de cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Step by step, la puissance des empires nomades. En 1842, Victor Hugo écrit Le Rhin, lettre à un ami. Sous la forme d'un journal de voyage, l'écrivain livre ses réflexions sur le monde, sur l'histoire. Il évoque le grand camp de Tartarie, qui répétait par intervalles d'un air terrible ses paroles gravées sur son sceau. Dieu au ciel, le grand camp sur terre. Hugo dit que les oisifs parisiens racontaient du camp comme du Quez, des choses merveilleuses. L'empire des camps des Tartares avait été fondé, disait-on, par celui que nous montons aujourd'hui, Gengis Khan. L'autorité de ce maréchal était telle qu'il fut obéi un jour par 7 princes auxquels il avait commandé de tuer leurs enfants. Diantre, entre mythe et histoire, la puissance des empires nomades. Yaroslav Lebedinsky, bonjour. Bonjour. Au moment de réfléchir à l'histoire de ces empires nomades, bien sûr, il y a tous ces mythes. L'évocation même du nom de Gengis Khan évoque énormément de fantasmes. Il fait peur. Il fait peur, bien sûr. On aime avoir peur en l'évoquant. Il est classé parmi les grands nuisibles venus de la steppe à côté d'Attila. Mais dans le cas de Gengis Khan, c'est tout à fait justifié puisqu'il a été le fondateur du plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Même si cet empire n'a atteint sa taille définitive que sous ses 3 fils et successeurs. Mais le personnage mérite toute notre attention. Et c'est très bien que vous le souligniez dès le début de cette émission, c'est le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Quelles sont ses limites? Mais c'est vraiment, quand on regarde une carte, c'est absolument immense. C'est un empire qui s'étend en termes modernes de l'Ukraine jusqu'à la Chine. Et qui a tenté de s'étendre également vers l'Indonésie, vers le Vietnam et vers le Japon, avec 2 tentatives de conquête avortées sous Kublai, personnage célèbre lui aussi, petit-fils du grand conquérant. Et à l'inverse, il y a comme un paradoxe, mais qui est fabuleux, c'est l'origine même de cet empire. Nous nous trouvons où? Nous nous trouvons dans les steppes? Nous nous trouvons dans les steppes qui sont un monde très mal compris des sédentaires en général, des occidentaux en particulier, même des historiens occidentaux modernes. Les steppes qui sont vues comme une espèce de vide entre ce que l'on considère comme les grandes civilisations, civilisation occidentale, civilisation iranienne, civilisation indienne, civilisation chinoise. En réalité, la steppe a sa propre civilisation, très ancienne, puisqu'elle remonte au début du premier millénaire avant notre ère, civilisation qui existe encore, comme ma collègue pourra le rappeler, et qui a connu des phases de construction politique tout à fait importantes, dont cet empire mongol, qui a été le dernier grand empire des steppes et le plus grand de tous. Oui, parce que nous avons besoin du regard de l'ethnologue, de l'anthropologue, Carole Ferret, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. Et au moment de réfléchir à cet empire des steppes, pour le dire simplement, l'idée de nomadisme s'impose. Le nomadisme, bien sûr, nous l'imaginons, des hommes à cheval qui se déplacent et qui plantent leurs tentes, des yourtes de temps en temps, par-ci, par-là. Comment se construit ce nomadisme? C'est loin de ce cliché que nous avons d'évolution, enfin nous ne l'avons pas d'ailleurs, nous l'écartons, d'évolution dans la civilisation. Une phase qui serait juste avant la sédentarisation, ce n'est pas ça du tout. C'est vrai que souvent les représentations du nomadisme sont liées à une conception, un paradigme évolutionniste de l'histoire, comme quoi, donc c'est un paradigme qui est hérité de Morgan au 19e siècle, comme quoi les civilisations suivraient toutes la même évolution linéaire, passant par des stades successifs jusqu'à des degrés supérieurs de civilisation. Et dans ce cadre-là, les nomades seraient alors classés soit parmi des primitifs, soit, alors pour les historiens soviétiques du XXe siècle, classés comme des féodaux. Mais alors, je voulais revenir à l'idée que le nomade est craint. Et c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a vraiment un renversement, je trouve, par rapport à la situation actuelle où on a au contraire une vision romantique du nomade, qui est passé du pillard cruel et sanguinaire à un espèce de pasteur écolo, bienveillant, débonnaire, voilà. Donc il y a un renversement de la figure du nomade, mais qui est toujours lié à une comme le disait Yaroslav Lebedinsky, à une méconnaissance du milieu de la steppe. Le mot pasteur a été prononcé, alors nous évoquons nomade, pasteur. Quelles sont les définitions de ces mots? Quelles sont les différences? Alors, dans les steppes d'Asie centrale, le nomadisme est essentiellement lié au pastoralisme. Alors, le pastoralisme, c'est l'élevage d'herbivores en troupeau. Un élevage extensif, c'est-à-dire sur de grandes surfaces. Donc, ça nécessite de grandes aires de pâturage. Le nomadisme, il est motivé par le pastoralisme. C'est la mobilité résidentielle des gens qui accompagnent les mouvements des troupeaux. Et alors, pourquoi les troupeaux se déplacent? À la fois pour éviter l'épuisement des ressources, pour éviter le surpâturage, en un mot, mais aussi pour bénéficier de l'hétérogénéité des ressources. En fait, c'est toujours l'idée d'être toujours, à chaque moment de l'année, à l'endroit le plus favorable en fonction des cycles saisonniers. Si nous réfléchissons à notre héros, je dis comme ça, Gengis Khan, pour utiliser un nom que tout le monde connaît, dans quel univers naît-il? Comment fonctionne? Nous sommes donc dans ce monde très très très lointain, au milieu des steppes, et vous nous dites, Yaroslav Lebedinsky, que non, ce monde n'est pas un monde inorganisé, ce n'est pas un monde vide, il y a une organisation sociale. Il y a, comme toujours chez l'être humain, une organisation sociale. Et ce qui est frappant dans le cas de ce que j'appelle la civilisation des steppes, même si le terme paraît un peu autocontradictoire à certains, c'est le caractère très très constant et très durable de cette organisation sociale, avec une masse d'éleveurs qui sont également des guerriers, puisque la guerre joue un rôle important dans leur vie, avec des aristocraties tribales et avec souvent des clans royaux ou impériaux particulièrement vénérés, qui ont souvent une origine divine, mythique. Et Temujin, pour lui donner son vrai nom, avant qu'il ne devienne le Khan universel, c'est-à-dire Genghis Khan, est né dans ce qui était la Mongolie de la seconde moitié du XIIe siècle, on n'a pas la date précise de sa naissance, à un moment qui était un peu le creux de la vague pour les Mongols. Les tribus mongoles avaient connu des tentatives d'organisation politique, de construction de khanats, d'empires, etc., qui avaient toutes avorté du fait de leurs voisins, notamment des Tatars et des Chinois. Et c'est Genghis Khan qui a été en quelque sorte l'homme providentiel qui a réussi à réunir les clans mongols, les tribus mongolophones, certaines tribus turcophones, et ensuite à partir à la conquête de nouveaux territoires en dehors de ce noyau de l'actuelle Mongolie. Nous réfléchissons au nomadisme, et particulièrement dans cette région, il y a du nomadisme, il n'y a pas de tentative de sédentarisation. Comment cela s'organise? Alors, je voudrais dire, donc, nous avons eu une définition parfaite de ce qu'est le nomadisme et, en l'occurrence, le pastoralisme de ces nomades. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que ces nomades ne sont pas, comme l'a dit ma collègue, des laissés pour compte de l'évolution. Ce sont des gens qui ont choisi, en fait, un type de développement particulier. L'archéologie prouve que tous ces groupes nomades de la steppe descendent de sédentaires. De sédentaires qui ont mené une existence de plus en plus mobile à la suite de leurs troupeaux et qui ont décidé à un moment donné de larguer les amarres pour aller exploiter le milieu particulier qu'était la steppe et qui l'ont fait grâce à ce véhicule qu'était le cheval. C'est l'équitation universelle, tout le monde monte à cheval dans ces populations, les hommes, les femmes, les enfants, très très jeunes, etc. C'est l'équitation qui a permis de suivre les troupeaux dans la steppe, de les contrôler et donc d'exploiter ce biotope tout à fait particulier. Et dans cette évolution que vous nous évoquez, de cette histoire, il y a passage du sédentarisme au nomadisme. Carole Ferret, c'est particulièrement intéressant de voir qu'en fait, dans l'histoire, il y a tous les possibles et ce n'est pas l'évolution que nous évoquions, on l'a rejeté dès le début d'émission. Le sédentarisme, quand il ne convient pas, bien, le nomadisme le remplace. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas, je pense qu'il faut éviter cette dichotomie entre nomades et sédentaires, même si c'est une image assez facile de dire que l'Asie centrale est partagée entre nomades et sédentaires et c'est une sorte de dichotomie récurrente dans l'histoire des steppes. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plutôt que de parler de nomades, de gens qui sont essentiellement de la naissance à la mort nomades, il y a plusieurs formules de nomadisme pastoral qui vont d'une mobilité, enfin selon le degré de mobilité. Et que les gens peuvent passer en fonction des circonstances d'une formule à l'autre. C'est-à-dire que c'est le nomadisme pastoral est à la fois variable dans l'espace, selon les régions, les gens seront plus ou moins mobiles, et variable dans le temps, selon les circonstances. Si le troupeau est décimé, on va s'arrêter de nomadiser pendant un certain temps pour reconstituer son troupeau. En fait, c'est la taille du troupeau, principalement, pas seulement évidemment, qui motive le mouvement. Et si on n'a pas besoin de se déplacer, on se déplace moins. Donc, c'est quelque chose de variable et flexible. Le troupeau, d'ailleurs, nous parlons de quels animaux ? Alors, en général, dans les steppes, c'est... C'est plutôt pour vous. Il s'agit de ce que les Mongols appellent les cinq museaux, c'est-à-dire à la fois du gros bétail, donc le cheval évidemment, mais aussi des bovins, des camélidés, et du petit bétail, des ovins, des caprinés, qui sont élevés en général, donc c'est un troupeau multispécifique avec les différentes espèces. Et l'importance du cheval, évidemment. Et l'importance du cheval, alors suivant les époques et suivant les populations et suivant les climats, bien entendu, les proportions de ces animaux sont différentes. On peut faire de l'archéozoologie, par exemple, quand on évoque les populations scythes d'Ukraine et du sud de la Russie. Et là, on peut faire des statistiques assez précises qui montrent notamment la prédominance, alors chez les scythes dans l'Antiquité, hein, c'est entre le 7e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. On a essentiellement cheval et mouton. Mouton pour la subsistance et cheval également comme véhicule. Quelques bovins pour tirer les véhicules et pas encore de chameaux dans ces steppes européennes. Donc c'est variable suivant les époques et les régions, ce qu'on imagine bien d'ailleurs. À quoi ressemblent ces chevaux ? Alors, ils sont d'espèces diverses. Le cheval de la steppe, traditionnellement, est petit. C'est presque un grand poney. Et ça, on le voit dès l'Antiquité, là encore, avec les représentations de scythes à cheval, dont les jambes traînent presque par terre. Les scythes étaient grands, leurs chevaux étaient petits. Mais il y a d'autres races de chevaux, comme les grands chevaux du Turkménistan, chevaux type Haltéke, etc. Donc il y a eu plusieurs races, mais le cheval le plus typique des steppes est plutôt petit, comme l'est encore le poney mongol aujourd'hui. Un petit cheval, et alors attention, c'est un grand crime que de voler les chevaux. C'est aussi un grand crime de voler les chevaux, parce que c'est très bien que le nomade ne vit qu'avec le cheval. Et c'est aussi important que la femme. C'est peut-être plus important que la femme, parce que à la rigueur, une femme, on peut retrouver d'autres. Mais le cavalier démonté, qui ne sait que tenir à cheval, va se trouver complètement perdu dans ces immensités. Et il est obligé de retrouver ses chevaux. Et alors là, nouvelles aventures extraordinaires pour reconquérir ses chevaux. Mais n'imaginons pas qu'il a un grand troupeau. Il a un troupeau extrêmement stable. 10 chevaux ? 8 chevaux, oui, ça ne bouge pas. C'est le minimum qu'il faut pour avoir un peu de lait. Et pour le reste, eh bien, les textes nous disent, ils vont chasser un petit peu, mais pas grand-chose, un petit oiseau, ils vont pêcher... un poisson par-ci, pas-là, ils vont arracher, disent les textes aussi, des oignons et des os sauvages pour se nourrir. Vous voyez que c'est une condition de vie très précaire. Condition de vie précaire, c'est ce que dit Jean-Paul Roux, l'historien Jean-Paul Roux, spécialiste des mondes turcs, des mondes mongols. Il s'exprime dans Les chemins de la connaissance en 1994. Carole Ferret, le cheval est au centre de cet imaginaire, alors notre imaginaire de ces populations nomades, mais de leur propre imaginaire. C'est vrai que pour ce qui me concerne, c'est le cheval qui m'a attiré là-bas. Mais alors, je voulais revenir sur l'idée du crime de vol de chevaux, parce que c'est vrai que c'est... je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où, enfin, chez les Kazakhs que j'étudie, il y a un phénomène qu'on appelle le barmta, c'est-à-dire le... en français, c'est un mot qu'on utilise peu, c'est l'abigea, c'est-à-dire le fait de détourner un troupeau de chevaux. Et c'était pas du tout considéré comme un vol, mais comme une méthode de résolution de conflits entre les clans. Et c'est vrai que tel lignage, par exemple, pour régler un conflit, allait détourner les troupeaux de chevaux d'un autre lignage. Et il y avait une sorte de cycle de conflits résolus par ce baramta, qui était donc pas considéré comme un crime, le vol de chevaux, mais comme un moyen de régler les problèmes entre les gens. Oui, alors, régler les problèmes entre les gens, parce que vous nous l'avez dit, Jaroslav Lebedinsky, nous sommes avec un système, une organisation sociale liée à des tribus, à des clans, mais la notion même de territoire s'applique-t-elle dans ces steppes ? Ah, les historiens, les archéologues soviétiques qui avaient le goût de la classification sociale avaient distingué trois types de nomadisme. Alors le premier, c'est une sorte d'errance un peu aléatoire dans les steppes, mais qui n'existe en réalité que quand des populations se déplacent parce qu'elles sont chassées ou qu'elles partent à la conquête d'autres territoires. Le type le plus répandu, c'est le deuxième, c'est ce qu'on appelle un nomadisme territorial, dans lequel en fait les tribus, les clans, les populations suivent un cycle annuel, avec surtout des pâturages d'été et des pâturages d'hiver et des étapes entre ces deux localisations. Et bien entendu, c'est une cause permanente de guerre et de conflit entre groupes nomades, puisque toute déviation de l'itinéraire, toute annexion de pâturage appartenant à quelqu'un d'autre provoque une guerre. En ce qui concerne le vol de chevaux, ce qu'on a entendu là, ce que disait Jean-Paul Roux, c'était la description de la jeunesse de Gengis Khan. Le moment où, chassé après la mort de son père, il est réduit à vivre de quelques chevaux avec sa mère et ses frères et sœurs. Ça se finit d'ailleurs tragiquement, puisqu'à propos du partage d'une toute petite proie, il tue l'un de ses frères, qui s'était approprié un morceau trop important. Donc c'est une partie du mythe du conquérant, c'est sa jeunesse malheureuse et sa période tragique. Des guerres, très bien, mais cela n'explique pas que ces nomades des steppes deviennent conquérants. L'empire des conquérants mongols, Yaroslav Lebedinsky, c'est votre ouvrage 12e-13e siècle. Comment passe-t-on d'une population nomade, alors en conflit avec d'autres clans rivaux, éventuellement avec les voisins, à l'idée de conquête? C'est dur, ça, comme question. Oui. Alors, c'est bien sûr une question qui n'a pas de réponse simple et évidente. Il y a cette notion d'empire des steppes qu'avait popularisé Grousset avant la Seconde Guerre mondiale. Une formule qui a beaucoup marqué, empire des steppes. Alors, en effet, un seul khan sur la terre, comme il y a un seul dieu au ciel. Bon, ça n'est pas le mode le plus fréquent d'organisation des populations nomades, dont on a l'impression que souvent, elles créent des royaumes et des empires par réaction. Le premier empire des steppes dont nous ayons une trace, c'est celui des Xiongnu de Mongolie, apparu à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, au moment où se fait l'unité chinoise, et peut-être par réaction à cette unité et à ce début d'impérialisme chinois. Alors après, les situations sont bien sûr très diverses. En ce qui concerne les Mongols, mon impression personnelle, mais ce n'est pas celle de tous les biographes de Gengis Khan et de tous les historiens de la Mongolie ancienne, est que les premières conquêtes de Gengis Khan ont été largement opportunistes. Il a entamé ses guerres par vengeance, il a entamé ses guerres par nécessité, il a été attaqué par un certain nombre d'adversaires. Au fur et à mesure, il a constitué un premier embryon de royaume ou d'empire. Le projet de conquête universelle est venu comme l'appétit vient en mangeant, en quelque sorte. Et il est venu principalement sous le premier de ses successeurs, son fils Ögödei, qui, en 1235, réunit une grande assemblée des chefs mongols et décide de terminer la conquête du monde, en lançant ses armées vers ce qui reste de la Chine, vers l'Europe et vers l'Orient. Oui, parce que Gengis Khan n'est pas seul dans cette histoire, et c'est important de le rappeler. Il y a Gengis Khan, ceux qui lui succèdent, mais malgré tout, c'est Gengis Khan qui synthétise énormément de fantasmes. Il faut dire que, à le lire, en tout cas, à lire des mots qui lui sont attribués, nous avons des petits frissons dans le dos. La plus grande jouissance, c'est de vaincre ses ennemis, de les chasser devant soi, de leur ravir tout ce qu'ils possèdent, de voir les femmes qui leur sont chères, le visage baigné de larmes, de monter leurs chevaux, de presser dans ses bras leurs filles et leurs épouses. Alors, c'est Rachid al-Din, nous sommes au XIIIe, XIVe siècle, dans le monde perse, qui attribue ces mots à Gengis Khan. C'est Olivier Martineau qui lisait ce texte dans le cours de l'histoire. Dites-nous, Carole Ferret, la notion de conquête est-elle inhérente au fonctionnement du nomadisme? En soi, non, mais est-elle nécessaire parfois? Ben justement, ne serait-ce que pour des équilibres d'approvisionnement, pour des dominations de territoire. En tout cas, pas dans le nomadisme que je connais. non, ce serait pas une notion. Je voulais revenir sur l'idée d'attachement au territoire. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les nomades sont assez casaniers et sont attachés à leur... Leur territoire est peut-être vaste, mais il est cependant réparti, et notamment les hivernages qui étaient assez stables, et d'une année sur l'autre, le cycle de nomadisation se répète, et à chaque saison, on va aux mêmes endroits, grossièrement. Et en fait, dans ce que je connais, donc moi, c'est l'Asie centrale depuis, disons, la fin du 19e, depuis qu'il y a des sources écrites, et la situation actuelle. Les mouvements qu'on peut qualifier de migration, cette fois, qui ne sont pas liés au mouvement nomade, mais qui sont des déplacements, sont plutôt contraints que motivés par un désir de conquête. C'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Par exemple, au moment de la colonisation russe à la fin du 19e, des paysans russes ou au début du 20e, des paysans russes viennent coloniser les steppes, réduisent les aires de pâturage, donc on va déplacer ces parcours. Oui, voilà. Parce que là, avec Gengis Khan, nous entendons bien qu'il y a quelque chose qui n'entre pas dans un schéma qui est celui du nomadisme, cette volonté de conquête dans ce monde moghol. Mais comment expliquer la réussite? Parce que c'est pas tout de vouloir conquérir les territoires tout proches, voire le monde. Comment ont-ils fait, Yaroslav Levidinsky? Quelle était leur force? Leur force réside d'abord certainement dans le rôle personnel de leur chef. Alors Gengis Khan d'abord, et ensuite ses successeurs qui n'ont pas démérité jusqu'à Khoubilaï dans les années 1260-1290, qui a achevé la conquête de la Chine quand même. Ensuite, il y a bien sûr l'armée mongole et, je dirais même, le peuple mongol en armes. En fait, cette organisation militaire qui est celle de tous les nomades à l'origine, mais enfin, c'est un système dans lequel tous les hommes sont potentiellement des guerriers, mais qui a été perfectionné considérablement par Gengis Khan et ses successeurs. Gengis Khan était un barbare. La citation qu'on lui prête est assez vraisemblable, finalement, même si ce n'est pas du mot à mot. Mais c'était un homme d'une intelligence supérieure, c'était un excellent organisateur, c'était un législateur, et il a construit un peuple en armes qui était un instrument de conquête formidable. Avec des clans et des tribus qui ont été fondus dans un ensemble mongol. Il est le père, en quelque sorte, de la nation mongole, de ce concept de peuple mongol. Avec une organisation décimale qui permettait d'appliquer une discipline de fer. Des groupes de 10 hommes, puis de 100 hommes, puis de 1000 hommes, puis de 10 000 hommes. Des unités de 10 000 hommes qui pouvaient être manœuvrées sur le champ de bataille. C'est unique à l'échelle du monde nomade. Et un système qui faisait que, quand un homme désertait, son groupe de 10 hommes était exécuté. Quand un groupe de 10 hommes se repliait, le groupe de 100 hommes était exécuté, et ainsi de suite. Et c'est cette discipline qui a été la colonne vertébrale des armées mongoles. Armées qui, par ailleurs, ont su combiner les tactiques traditionnelles de la steppe. Donc c'est l'archer monté, c'est le système de déplacement rapide, d'encerclement de l'ennemi, de fuite simulée, et des techniques empruntées progressivement aux peuples vaincus et conquis, notamment des techniques polyurcétiques, des machines de siège, la capacité de construire des digues pour inonder les villes qu'on voulait prendre, de construire des circonvallations pour empêcher l'armée de secours d'arriver, etc. etc. L'armée mongole qui marche sur l'Europe en 1236, c'est la meilleure armée du monde. Ce n'est peut-être pas la plus nombreuse, quoi qu'elle soit très nombreuse, mais c'est la plus polyvalente. Et c'est celle qui, en plus, est animée d'un projet de conquête universelle cohérent, assez rare aussi dans l'histoire. Oui, parce que dès que la volonté de conquête universelle s'associe à la force et à l'efficacité militaire, c'est sûr qu'on peut avancer, on peut avancer jusqu'en Europe. Et vous avez évoqué les qualités d'organisation. Carole Ferret, au moment de réfléchir au nomadisme, eh bien, l'on peut dire que le nomade n'est pas simplement quelqu'un ou un groupe d'individus qui traverse un espace pour planter sa tente et puis repartir. L'ensemble du territoire est maîtrisé par les nomades. Ils peuvent même le changer, ce territoire. C'est vrai qu'on a une image de la steppe comme un espace ouvert et indifférencié, où sans clôture et sans limite définie. Et pourtant, Les nomades, eux, par la connaissance fine qu'ils ont de particularités de chaque territoire en chaque saison, exploitent cette hétérogénéité du territoire pour être, comme je le disais tout à l'heure, à chaque moment de l'année, au moment le plus favorable pour le bétail, notamment pour les troupeaux. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le nomadisme ? C'est une conjonction heureuse de l'espace et du temps. On a l'impression que les nomades aiment le changement, aiment le mouvement pour lui-même. Mais en fait, non. Si on bouge, c'est au contraire pour avoir une stabilité des ressources. Parce que on imagine que la stabilité, c'est la sédentarité. C'est rester à la même place. Mais en fait, rester à la même place, dans un pays notamment où la continentalité saisonnière est très forte, c'est au contraire subir des aléas climatiques très forts. Si on se déplace, c'est pour que les conditions, au contraire, restent le plus stables possible. On va à la saison chaude dans les régions les plus froides, à la saison froide dans les régions les plus chaudes, à la saison aride dans les saisons humides, etc., etc. Donc c'est pour ça que donc on a des mouvements soit méridiens selon un axe nord-sud, soit altitudinaux selon l'étagement de la végétation selon l'altitude, qui permettent non pas de bouger pour le changement, mais au contraire, bouger pour la stabilité. C'est intéressant ça comme réflexion, bouger pour la stabilité. Et puis, dans cette idée d'organisation, Jaroslav Lebedinsky, vous avez dit, ils vont jusqu'en Europe. Mais quelle organisation cela demande pour une telle armée, notamment de bien connaître les terrains traversés? On n'arrive pas comme ça n'importe où sans savoir. Il y a aussi une vraie connaissance. Comment ça se passait? On envoyait des éclaireurs? Oui, nous savons qu'il y avait un travail de renseignement, des espions en fait, mongols, alors souvent des gens qui n'étaient pas des mongols ethniques, mais qui étaient des étrangers alliés qu'on pouvait envoyer espionner. Il y avait toute une dimension de guerre psychologique aussi. Les récits épouvantables sur le cannibalisme, la coprophagie des Mongols, enfin, participaient beaucoup à la terreur qu'ils répandaient. Et ensuite, il y avait une avance qui n'avait rien de l'image classique de la horde se précipitant dans le plus grand désordre, qui était une avance parfaitement maîtrisée, avec toute une intendance qui suivait, et un système de postes qui permettait, en fait, de connaître très rapidement l'évolution de la situation sur le front, et de donner des ordres depuis la Mongolie jusqu'à ces armées qui se déplaçaient en Europe. On pense d'ailleurs que c'est en 1241 la mort du grand Khan Ögedei qui, ayant été connu presque immédiatement sur le front européen, a motivé l'arrêt de l'avance mongole. L'armée mongole avait pour ordre d'avancer jusqu'à l'océan, d'avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terre devant elle, et elle s'est arrêtée sur la côte de l'Adriatique pendant l'été 1241. C'est fascinant d'imaginer ces territoires aussi vastes, step by step, la puissance des empires nomades. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Step by step. Bah oui, step by step. Il fallait bien ça. Carole Ferret, dans l'imaginaire nomade, le fait d'être nomade conduit à une représentation particulière du monde. Cette représentation du monde englobe-t-elle, alors on l'a évoqué, l'idée de conquête, pas obligatoirement, mais le lointain, l'envie d'aller découvrir ailleurs. Là aussi, c'est pas une évidence. Avec les Mongols et Genghis Khan, nous sommes sur un cas très particulier. Oui, c'est je dirais une exception peut-être. Enfin, en tout cas, pas une exception parce qu'il y a eu plusieurs empires des steppes, mais en tout cas, dans ce que je connais moi, c'est pas du tout le schéma habituel. Donc, le nomade, en général, les nomades restent attachés à un parcours particulier. Ils n'ont pas nécessairement l'envie de découvrir des espaces lointains ou de conquérir. Après, il peut y avoir des, notamment par exemple chez les éleveurs de rennes sibériens, des déplacements des parcours, c'est-à-dire qu'on va découvrir de nouveaux territoires de chasse parce qu'ils vivent de l'élevage du renne mais aussi de la chasse. Il n'y a pas forcément cette envie d'espace nouveau à découvrir ou à conquérir. Mais dans cet imaginaire, quelle place pour le cas mongol, pour Gengis Khan ? Est-ce que cela, mais même chez les nomades encore aujourd'hui, reste non pas une référence, mais un élément constitutif d'une identité ? C'est sûr que pour... Alors, je ne connais pas très bien la Mongolie actuelle, mais c'est vrai que l'image de Gengis Khan est très importante. Et pour les États centra-asiatiques qui se disent comme héritiers des nomades des steppes, cette image du nomade est très importante. Mais c'est une image qui est ambivalente parce qu'en fait, à la fois, après l'indépendance de 1991, ces États ont voulu construire une histoire nationale. Donc, construire un récit national. Ils ont utilisé le nomadisme comme une particularité de leur civilisation, mais en même temps, ils n'étaient pas complètement dégagés de ces préjugés évolutionnistes dont on parlait tout à l'heure, comme quoi les nomades n'ont pas d'histoire, les nomades sont... c'est un mode de vie arriéré. Donc, en même temps... Nous sommes nomades, mais cela appartient au passé, ce n'est plus du tout notre réalité, quand bien même le nomadisme pastoral peuvent se pratiquer chez eux, ils l'ignorent. Pour eux, le nomadisme, cela relève du passé. Cela relève du passé, mais malgré tout, cela reste présent dans l'imaginaire, dans l'identité. C'est bien ça, parce qu'il y a une histoire nomade, il y a une culture nomade. Ils sont kirghizes, kazakhs ou bien mongols, et tous ont en partage la même histoire. Celle de ces cavaliers, à la fois éleveurs et guerriers, qui longtemps ont régné sur ces vastes étendues sauvages. C'est à l'ombre de ces montagnes du Tien Shan que se déroulent ces jeux nomades. Des jeux traditionnels, comme ce concours de tir à l'arc, à cheval, auquel participent autant de femmes que d'hommes. Le sang de Gengis Khan coule dans mes veines, alors je n'ai peur de rien. C'est pour ça que j'ai choisi ce sport et je suis fière de représenter mon pays, la Mongolie. Des sports venus de la nuit des temps où la bravoure se mesure dans ces mêlées viriles où il faut, pour l'emporter, arracher à l'adversaire la dépouille d'une chèvre. C'est aujourd'hui encore l'un des jeux les plus populaires dans cette partie du monde. Les Jeux mondiaux nomades en 2018. Carole Ferrez, c'est intéressant là aussi d'avoir ce lien en fait qui se crée d'identité entre des populations qui ont été nomades, pour certaines qui demeurent encore nomades, mais qui conservent en fait ces éléments communs. Oui, c'est vrai que ça a été utilisé dans ce cadre-là d'une construction d'une identité nationale. Donc il y a à la fois en Mongolie les jeux qu'on appelle les nadams, avec les trois jeux virils que sont la lutte, le tir à l'arc et les courses à cheval. Et puis, alors plus récemment, alors notamment au Kirghizistan, ont été créés ces jeux nomades en utilisant principalement des jeux équestres au départ. Donc, en Asie centrale, les deux jeux équestres les plus connus sont à la fois la course à cheval sur longue distance, avec des enfants ou des adolescents qui montent des chevaux, parfois accrus sur de longues distances, et ce que j'appelle le tirbouk, ou ce qui est connu comme le bouskashi en Afghanistan, ou le kukpar au Kazakhstan, etc. Différentes formules d'un même jeu où il s'agit de une sorte de rugby à cheval où on se dispute une carcasse de chèvre pour marquer un but. Voilà, c'est un jeu très violent. Et alors là, par contre, ce sont des hommes virils montés sur de solides étalons qui se battent pour gagner au kukpar. Yaroslav Lebedinsky, ça c'est un héritage aussi de cette longue histoire mais qui vient de l'empire conquérant des Mongols, je reprends le titre de votre ouvrage, donc une culture, mais aussi des échanges. Par définition, à partir du moment où ces Mongols avancent, découvrent, rencontrent, il y a des échanges. Oui, il y a des échanges. Alors l'Empire mongol est un cas extrême puisque s'étendant donc de la Hongrie à la Chine, comprenant des pays aussi variés qu'une partie de la Sibérie ou même une partie des pays arabes puisque les Mongols avaient pris Damas. Les échanges étaient évidents, ils étaient très riches, il y avait des échanges d'hommes, avec même des déportations assez massives d'artisans, de fonctionnaires, enfin de tous les gens qui pouvaient servir l'Empire. Et il y a bien entendu la dimension commerciale locale qui était interne à cet empire mongol. Mais c'est beaucoup plus général. Dès lors que nous voyons les nomades apparaître dans l'histoire, donc dans l'histoire de l'Antiquité, en particulier avec les Scythes, nous constatons des échanges de ce genre. Les Scythes étaient en contact étroit avec les populations grecques du littoral de la mer Noire, dans l'Ukraine actuelle et en Crimée. Les Scythes étaient également en contact avec des populations aussi lointaines que celles de Sibérie. Puisque quand Hérodote décrit en fait la Scythie et ce qui se trouve à l'est de la Scythie, il suit mentalement une espèce de route commerciale qui lui avait certainement été indiquée par ses informateurs Scythes. Et cette dimension de commerce international est inhérente au nomadisme dès lors qu'il acquiert une certaine puissance politique et militaire. Et dès lors, il n'est pas étonnant qu'un des successeurs de Gengis Khan écrive au pape. Dans la force du ciel éternel, le Khagan océanique du grand peuple, notre parole. Ceci est un ordre envoyé au grand pape pour qu'il le comprenne. Toi, le grand pape, avec les rois, venez ensemble, en personne, pour nous rendre hommage. Dans la force de Dieu, du levant au couchant, toutes les terres nous ont été octroyées. Toutes les terres nous ont été octroyées. Nous étions en 1246, précisément, avec cette lettre de Gouyouk, donc un successeur de Gengis Khan. C'est une lecture d'Olivier Martineau. Yaroslav Lebidinsky, c'est vrai qu'il y a une volonté de domination universelle. C'est comme ça que les Mongols ont conçu leur pouvoir au XIIIe siècle? Oui, ça c'est exact, et c'est un cas unique dans l'histoire des populations nomades. Alors on trouve souvent des revendications un peu théoriques à la domination universelle, mais souvent il faut la comprendre comme la domination de l'ensemble de la steppe. C'est réduit aux populations nomades. Mais les Mongols sont les seuls à avoir mis en œuvre un vrai projet de conquête universelle. Encore une fois, je pense que ce projet a été élaboré en cours de route. Il n'existait pas chez Gengis Khan, tout au moins au début. Il a été cristallisé en quelque sorte par ses successeurs. Et c'est un peu une justification a posteriori aussi des conquêtes. C'est une espèce de mandat du ciel, au sens le plus direct du terme d'ailleurs, puisque le ciel est le grand dieu des peuples mongols et turcs. Le ciel éternel qui a choisi les Mongols pour régner sur l'univers. Pourquoi eux ont-ils eu plus besoin que d'autres de justifier cette conquête par une domination universelle? En quoi la construction sociale fait que, alors Gengis Khan peut-être pas, mais en tout cas il amorce ce phénomène et ses successeurs le poursuivent, il justifie cette domination, en tout cas cette volonté de dominer le monde? Il y a beaucoup de théories sur la question. Je ne pense pas que ce soit dû aux Mongols eux-mêmes. On peut se demander si cette notion d'empire universel n'a pas été empruntée tout simplement aux voisins conquis, qu'ils soient chinois ou iraniens, à tous ces empereurs et ces khans et qui prétendaient de manière purement littéraire dominer le monde. Et si les Mongols, eux-mêmes éblouis par la facilité de leur première conquête et la manière dont ils avaient réuni d'immenses territoires à ce petit noyau de l'actuelle Mongolie, n'ont pas sauté sur l'occasion en quelque sorte de développer cette théorie de conquête universelle. Et encore une fois, ce sont des problèmes qui sont très controversés et qui tiennent aussi beaucoup à la psychologie de personnages que nous saisissons mal aujourd'hui. Ce qui est très compliqué. Puis, dans cet empire mongol, dans les conquêtes, il n'y a pas que des Mongols. Parce que s'étendant, il y a la domination d'autres peuples, et dans l'intelligence d'une domination, il y a la volonté de s'appuyer sur des élites locales. Alors il y a plusieurs traitements des peuples vaincus ou dominés ou alliés en fonction de leur propre attitude. Les gens qui résistent sont généralement massacrés. Les gens qui se soumettent sont utilisés au mieux de leur capacité. Il est frappant de voir que quand les Mongols arrivent en Europe, on les appelle Tatars. C'est le nom d'un peuple de Mongolie que les Mongols avaient quasiment annihilé, qui a peut-être ensuite été utilisé comme éclaireur. Enfin, on ne sait pas pourquoi ce nom de Tatar a été choisi, mais c'est un exemple parlant. L'empire de Gengis Khan, dès la fin du règne du fondateur, est un empire turco-mongol ou mongolo-turc. Il comprend l'ensemble des populations de langue mongole et il comprend de très nombreuses populations de langue turque qui sont d'ailleurs relativement proches sur le plan culturel. Et puis au fur et à mesure que l'Empire s'étend dans toutes les directions, on voit arriver des fonctionnaires iraniens, chinois, etc., toutes sortes de gens qui se rallient à ce système conquérant. Jusqu'à Kubilai Khan, qui alors là fait passer cette conquête dans un autre univers. Tout à fait. Kubilai porte en quelque sorte la responsabilité de la dissolution de l'Empire mongol, bon, qui était déjà de son temps assez décentralisé pour des raisons d'immensité. Dès son accession au trône en 1260, Kubilai s'intéresse essentiellement à la Chine et aux dépendances de la Chine. Et c'est lui qui transforme en quelque sorte le centre de l'Empire mongol, la partie proprement mongole, en un nouvel empire chinois, celui de la dynastie des Yuan, qui a régné jusqu'en 1368. Et justement, cet homme-là, Kubilai Khan, a reçu un cadeau de son frère. Ça fait toujours plaisir. J'ai reçu un présent d'Arik le traître. Arik est un chien qui mangerait sa propre délivrance. Il a toujours été convaincu qu'il aurait dû être le grand Khan à votre place. Avant le coucher du soleil, je fermerai les routes commerciales du désert de Gobi. Et j'affamerai Karakoram. Mon jeune frère ne pourra trouver refuge qu'en Sibérie. Vous êtes bien indulgent, grand Kubilai. Ah. Vous massacrez des villes entières, mais vous permettez à Arik de fuir en Sibérie. Je sais comment punir mon frère. Il a bien failli tuer votre fils. Il est convaincu qu'il peut satisfaire vos femmes mieux que vous. C'est une pensée qui t'excite, impératrice. Arik mériterait d'être piétiné par les sabots d'un millier de chevaux au galop et qu'on laisse pourrir sa dépouille dans la steppe. Encore beaucoup de fantasmes dans cette série Netflix Marco Polo en 2016 où il est question de Kubilai Khan. Yaroslav Lebedinsky, cet empire mongol est un empire nomade des origines. Y a-t-il une évolution ou un retour peut-être vers la sédentarisation au moment où c'est la Chine qui devient presque le cœur de cet empire mongol ? Mais d'abord, comme le disait Carole Ferret à l'instant, il n'y a pas de dichotomie absolue entre nomades et sédentaires. Il y a toujours, de toute façon, des rapports très étroits entre les nomades et les sédentaires et souvent des formes de symbiose économique qui sont nécessaires pour des raisons d'approvisionnement ou autres. Chaque population nomade parvenue à un certain degré de puissance a contrôlé des populations sédentaires et s'est elle-même en partie sédentarisée parce qu'il est beaucoup plus commode d'avoir des centres de contrôle fixes, des villes en fait. Soit des camps fixes, soit des villes. Et c'est ce qui est arrivé avec les Mongols, qui ont tiré parti des villes conquises et qui même parfois en ont créé la partie occidentale de l'Empire mongol, la Horde d'Or en Europe orientale, a créé des villes, des capitales ex nihilo, comme centre administratif, comme centre économique, comme centre artisanaux. Ce sont des empires, particulièrement l'empire mongol gengiscanide, qu'on pourrait qualifier d'hybrides et qui à la fin comprennent une population sédentaire beaucoup plus nombreuse que la population nomade fondatrice. Yaroslav Lebedinsky, vous enseignez l'histoire à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Au moment de la démarche d'un historien, il y a la volonté d'aller aux sources. Nous pourrions penser... Ce serait faux que dans un monde nomade, il y a très peu de sources. Mais en fait, l'émission même montre le contraire. Il y a énormément de correspondances, énormément d'échanges. Vous disposez de nombreuses sources. Oui, alors sur les nomades, les sources sont souvent dues aux voisins et aux victimes. Donc elles sont évidemment assez partiales, qu'il s'agisse des Chinois, des Iraniens ou des Grecs et des Romains. Il existe néanmoins des sources internes qui sont très précieuses pour comprendre la mentalité nomade. Il y a les textes turcs archaïques. Des derniers siècles du premier millénaire qui ont été trouvés en Mongolie, ces textes écrits dans ce que l'on appelle les runes turques. Et il y a un certain nombre de documents mongols, dont cette chronique fondamentale qui est l'histoire secrète des Mongols, composée à la cour des Yuan, donc à la cour des Mongols, des empereurs mongols de Chine, et qui reflète en fait l'histoire de Gengis Khan et le processus de conquête de l'Empire vu du côté mongol. Et bien entendu, c'est quelque chose de totalement irremplaçable. Et s'y ajoute, bien sûr, ça, Carole Ferrer parlerait mieux que moi, tout ce qui est tradition orale des nomades. Archéologie, essentielle et tradition orale, effectivement. Carole Ferret, ça c'est aussi votre démarche pour aller essayer de comprendre ce monde nomade, qui est un monde complexe, et ces traditions nomades sont sans cesse transmises. Cette transmission n'est pas interrompue ou il y a beaucoup de transformations dans la transmission ? Tout ce qui est transmission orale dans le monde nomade relève, moi c'est pas vraiment ce que j'étudie, mais de ce qu'on appelle la littérature orale, notamment les épopées turco-mongoles qui sont très nombreuses et très riches, qui se transmettent de façon orale, évidemment avec des modifications comme... Non mais justement, dans cette transmission, il y a notamment les chants. Écoutez, improvisation de chants diphoniques et vielles à tête de cheval. Yaroslav Lebedinsky, pour terminer cette émission, nous avons évoqué Gengis Khan avec beaucoup de mythes venus de chez nous. Gengis Khan en Mongolie actuelle ou dans cette Asie très orientale reste un personnage présent. Alors, plus que présent, il est quasiment divinisé. Il est le père de la nation mongole. Il a une grande importance, comme le disait Carole Ferret, dans les autres états issus de l'ancien empire mongol. Il faut rappeler que des khans de la dynastie de Gengis Khan ont régné, par exemple, sur la Crimée jusqu'en 1783, jusqu'à l'annexion russe, et dans certaines parties de l'Asie centrale jusqu'aux années 1870, et que pratiquement toute la noblesse de ces pays prétend descendre de Gengis Khan. Mais le personnage lui-même, oui, est vu comme une sorte de patriarche universel, comme le fondateur du monde mongol, et ce n'est pas faux. Et puis, dans cette histoire, l'empire des conquérants mongols, nous sommes dans une histoire qui dépasse évidemment le territoire de la Mongolie. C'est l'histoire qui arrive en Asie du Sud-Est, qui est en Inde, qui c'est l'Iran. C'est un monde beaucoup plus vaste que ce monde mongol que nous associons aujourd'hui à un pays, à un territoire. C'est une toute autre histoire, c'est presque l'histoire de l'Asie jusqu'à l'Europe, une partie de l'histoire de l'Europe. Absolument, il y a eu l'impact des conquêtes et leur écho au Japon, en Iran, en Asie du Sud-Est et bien entendu en Europe, où toute l'histoire des pays qui sont devenus l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie a été très fortement influencée par ce qu'on appelle le joug tatar, c'est-à-dire la domination mongole. Eh bien écoutez, merci à l'un et à l'autre de nous avoir aidé à parcourir les steppes et surtout à comprendre ce monde nomade qui n'est pas aussi simple qu'on le conçoit avec un Gengis Khan qui serait absolument sanguinaire. C'est une histoire qui est passionnante, qu'on peut retrouver dans l'Empire des conquérants mongols, c'est votre ouvrage Yaroslav Lebedinsky, ou alors c'est une histoire qu'on peut parcourir à cheval, une civilisation du cheval, les usages de l'équidé, de la steppe à la taïga. Carole Ferret. Si je peux me permettre, il y a un livre qui vient de sortir au Muséum, justement en hommage à Claudine Carlin que vous avez reçu hier sur Nomad Life, ce qui s'appelle justement sur les différentes formes de nomadisme. Oui, parce qu'il y a différentes formes et vous savez, si on retient ne serait-ce que ça de l'émission, je suis content des quasi-nomades, des semi-nomades et que ce n'est pas antinomique à la sédentarité, eh bien c'est déjà beaucoup. Merci à vous deux, il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Colbert a-t-il rédigé le Code noir ? La question coloniale est l'un des sujets où le dialogue entre les historiens et les porteurs de mémoire est le plus difficile aujourd'hui. L'ordonnance royale de mars 1685 concernant la police des îles de l'Amérique française, connue aujourd'hui sous le nom de Code noir, en est un bon exemple. Ce texte a été présenté comme le paroxysme de la politique raciste pratiquée par Colbert dans l'Empire colonial français. À tel point que le 6 juin 2020, la statue de Colbert, qui se trouve au pied de l'Assemblée nationale, a été recouverte par l'inscription « Négrophobie d'État », peinte en lettres rouges. Les historiens qui ont étudié de près ce texte ont montré que l'expression « code noir » n'était apparue qu'au XVIIIe siècle, lorsque l'ordonnance de 1685 a été adaptée aux autres colonies, notamment à la Réunion et à la Louisiane. Ce qu'on appelle aujourd'hui le « code noir » rassemble donc des textes